des circulaires, on referait le monde. Avec des six circulaires, une table ronde. Avec des civilités, on serait civilisés. Avec des systèmes B, on peut bien s'arranger. Avec des sirènes, on peut bien se réveiller. Avec des cybelles, on peut t'entendre crier. Avec sirènes, on peut encore le roi malter. Avec des cybelles, on pourrait tout pardonner. Avec des cigales, on pourrait chanter les fourmis. Avec des sitars, on danserait nous aussi. Avec des civets, on s'en mettrait plein la France. Avec des ciné, on verrait des romances. Avec des silences, on peut enfin s'écouter. Avec des sciences, on pourrait s'améliorer. Avec des sirènes, on peut bien se réveiller. Avec des cybelles, on peut entendre crier. Avec sirènes, on peut encore le roi mater. Avec des cybelles, on pourrait tout pardonner. Bien habile, c'est sans merci, avec des cils.